Le ciel a été créé pour être aussi regardé. 7 juin 2017, Shenyang, hôtel, soir. Ce matin, au parc. Gazouillement d'oiseaux, premier rayon du soleil, très agréable lumière, air salutaire. Un groupe d'une vingtaine de Chinois font du tai chi. La plupart des hommes sont habillés de blanc, un pantalon large et une longue chemise, tous deux traditionnels. Les femmes portent des robes également traditionnelles, larges, de couleur bleue ou jaune. Tous sont complètement concentrés sur leurs mouvements, leurs regards très attentifs, certains ont les yeux fermés. Le ballet d'un genre très particulier, admirable de simplicité, parlant mystérieusement à l'âme par un langage de signes corporels. J'aimerais tant les déchiffrer, en moi les incorporer. Ces gestes et ces déplacements très lents semblent une symphonie évoquant la marche de l'univers. Je remarque en particulier une petite fille d'à peine 10 ans, toute mince, puis un vieillard d'environ 80 ans, un peu gros. Quelle expression de visage, quel regard! Photo du vieillard en action. Mei me présente un groupe. Je suis accueilli avec plaisir. On m'invite à prendre place. Qui l'aurait prédit? Oh, bannir de la vie le mot jamais. Très concentré, j'effectue les mouvements, les yeux fixés devant un homme qui m'enseigne à imiter ses gestes lents et harmonieux. Assise sur un banc, je regarde les mouvements de Bruno. Tout à coup, j'ouvre mon sac, prends mon carnet et le stylo. Circonstance. Mon cœur le reconnaît et mon esprit l'admet. Que ne t'ai-je connu en un temps convenu? Mémoire, pourquoi me tourmenter? Un soir, dans la cuisine, en compagnie de mon mari, nous étions tous les deux assis à une petite table rectangulaire. Je lui versais un thé fumant dans une tasse. Lui, le visage fermé, absorbé par de sombres pensées, la prit et la porta à ses lèvres pour boire. « Que dis-tu ? » proposai-je avec gentillesse, « d'aller ensemble demain matin faire un peu de tai chi au parc ?» Il me fixa, interloqué. « Demain, ai-je précisé, c'est dimanche et le temps sera bon. » Lui, tenant la tasse devant sa bouche, me toisa d'un regard louche, but bruyamment une gorgée de thé, remit la tasse sur la table et lâcha avec mépris. « Je ne suis pas encore un vieillard tremblant au bord de la tombe, et je n'ai pas de temps à perdre. » J'en suis restée très peinée. « Tu n'as pas compris, ajouta-t-il agacé, que les temps ont changé. Ce n'est pas avec le tai chi qu'on s'achète une belle voiture et un convenable appartement. » Encore ces deux fixations. Il en mourait d'envie. Un gros véhicule pour épater ses amis et les gens, ainsi qu'un logement dans l'une des nouvelles tours apparemment ultra-modernes de style occidental. Pour mon mari, c'était là les deux uniques buts de la vie. C'est après notre mariage que je l'ai compris, pauvre de moi. La sonnerie du téléphone de mon mari se fit entendre. Il le prit d'un geste brusque. « Oui ?» Il écouta un bref instant, ferma ensuite l'appareil et se leva d'un trait. Je compris. Je n'en pouvais plus de garder en moi-même ma frustration. Enfin, j'osais la révéler. « Pourquoi » demandai-je, d'une voix nouée par le chagrin. « T'es-tu mariée avec moi ? Si c'est pour passer tes soirées à jouer au mahjong avec tes amis, va dormir ou regarde la télévision » coupa-t-il froidement. Il sortit en claquant la porte derrière lui. Choqué, j'ai contemplé tristement le thé encore fumant dans la tasse. Brusquement résolu, je me suis levée d'un bond. J'ai couru à la porte, rejoint mon mari sur l'escalier et je l'ai attrapé par la manche. « Attends, j'ai à te parler. » Totalement surpris par mon insolite comportement, il mit un instant avant de répliquer. « Maintenant ? Oui, maintenant, tout de suite. De quoi s'agit-il ? » fut sa demande, très contrariée. « Entrons à la maison et je te le dirai. » Il resta immobile. J'insistais, avec véhémence. « Allez, viens » « Dis-le-moi ici, » exigea-t-il. « Je suis pressé. Ce ne sont pas des choses qu'on dit dans les couloirs. » N'ayant jamais vu sur mon visage une telle expression résolue et sévère, il retourna très énervé à la maison. Une fois la porte fermée, j'ai commencé d'une voix ferme. « Voilà 3 années que nous nous sommes mariés, et voilà presque 2 ans que tu ne m'accordes ni regard ni attention. Que t'ai-je fait de mal ? Que me reproches-tu ? » « C'est cela ? » s'exclama-t-il interloqué. « C'est pour cela que tu m'as fait revenir ? » ?»« Oui, » confirmai-je, excédé, mais sans élever la voix, m'efforçant à conserver le plus de sang-froid possible. Puis j'expliquai. « J'ai toujours été honnête avec toi. J'ai toujours voulu t'aimer et être aimé par toi. Et j'ai patienté, tant enduré, tant souffert, tant pleuré, tant accepté. Alors maintenant, nous devons nous expliquer, car je n'en peux plus de cette humiliante situation. » « Quelle situation ? De quoi parles-tu » interrogea-t-il Goguenard avec son habituel dédain. « Une situation où je ne suis pas même un chien pour toi. Car un chien, son maître accorde de temps en temps de l'attention, un regard, une caresse, tandis que toi, rien. Crois-tu que pour constituer une famille, ton épouse doit se limiter à laver tes habits, te faire à manger et nettoyer la maison ?»« Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es folle ou quoi » cria-t-il avec arrogance. « Il me prend que je suis déçue, très déçue par ton comportement. Si tu ne m'aimes pas, prends le courage de le dire et divorçons. Si c'est autre chose, alors je t'écoute, parle. » « Quelle révolte » railla-t-il. « Quel manque de respect du mari. Je constate que bien qu'ayant fréquenté l'université, tu ne sembles pas avoir lu les classiques 4 livres. Je préfère d'autres. Au lieu de faire l'éloge de la soumission servile, ils aident à assumer une vie digne et respectée. » « Et qui seraient ces fameux auteurs que tu préfères ?»« Zhuang Zi, Mo Zi. »« Ah ah, oh oh » commenta-t-il sarcastique. « Moi, je n'en ai jamais entendu parler. S'il valait quelque chose, je l'aurais su. » Il ajouta, avec une affreuse grimace d'un air insultant. « Ah, je comprends. C'est la femme intellectuelle qui s'adresse au chauffeur de taxi, au travailleur manuel. » Cette observation me blessa. Néanmoins, je me repris. Je ne suis qu'une épouse qui parle à son mari pour savoir quel est son réel sentiment envers elle. « Oui, je sais que nous sommes différents par l'instruction, mais cela n'a rien à voir, ou tout au moins ne devrait avoir aucun rapport avec notre lien sentimental. »« Les sentiments » laissa-t-il tomber ailleurs. « Oui, les sentiments. C'est de cela que nous devons enfin parler. Alors, réponds-moi, que suis-je pour toi ?» Il me toisa avec une impertinence horriblement irrespectueuse. Je courus très vite, saisis un miroir de poche et le plaçai devant son visage. Aussitôt, il s'en détourna. « Regarde donc ton visage, ai-je insisté, et tu comprendras combien ton expression est méchante. Pourquoi donc, pourquoi ?» Il me jaugea comme si j'étais un poisson pourri, puis se dirigea vers la porte. Je me précipitai, lui barrant le passage, puis annonçai convaincu. « Vu ton comportement, je t'informe que je veux divorcer. » Ce mot l'ébranla fortement. Il eut besoin de quelques secondes pour retrouver son assurance hautaine. « Alors je te tuerai, » répondit-il, avec une haine qui lui déforma le visage. Il ajouta féroce. « Je suis un homme, un vrai. Je n'ai pas peur de passer le reste de ma vie en prison ou d'être exécuté pour un crime. Mais, avant cela, tu me précéderas dans la mort. » Comme d'autres hommes, mon époux voulait me terroriser. Je savais que ce genre de menace était à prendre au sérieux. Trop d'hommes, acculés et en manque d'arguments, commettaient leur folie. J'eus donc peur. J'avais touché mon mari à son point le plus sensible. Je connaissais son caractère cruel et ses limites psychologiques. Je le savais capable d'exécuter sa menace. Mais désormais, j'avais parlé. J'avais déchargé ce qui étouffait mon existence quotidienne. Je devais alors me tirer de cette périlleuse situation. Je fis semblant de ne rien craindre et demandai « C'est tout ce que tu as à dire ?»« Je te tuerai !» répéta-t-il, les dents serrées et les yeux furibonds. Il m'écarta si violemment que j'eus de la peine à ne pas tomber. Il sortit en claquant la porte avec fracas. Je suis demeurée pétrifiée. Désormais, tout était fini. Décidément, ce n'est pas le pays auquel on appartient qui unit ou sépare les gens, mais le caractère, la personnalité. Mon ex-mari et moi, nous parlions la même langue, nous étions du même pays, de la même culture, des mêmes coutumes. Pourtant, nous nous sommes découverts totalement étrangers l'un à l'autre. De sa part, il y avait un inexplicable mélange de mépris et d'hostilité contre moi. J'ai compris cela immédiatement après le mariage. Oh, évidemment, avant, il fut gentil à sa manière pour me conquérir. Un simple chauffeur de taxi qui épouse une jeune femme instruite et pas laide, c'est intéressant. Cela satisfait l'orgueil viril. Je suis tombée dans le piège, prenant l'intérêt matériel de l'homme envers moi pour de l'amour. J'en ai pâti la douloureuse conséquence. Il me restait à me libérer de cette dangereuse situation. J'y suis parvenue en donnant une certaine somme d'argent à mon ex-mari. En outre, je lui ai reconnu la propriété de la voiture lui servant de taxi et que j'avais achetée avec le seul argent de mon travail. Suivant les bonnes directives de notre chère révolution, j'avais consenti à me marier, moi, universitaire, intellectuel, avec un travailleur manuel sans presque aucune instruction. J'étais enthousiaste à l'idée de réduire les différences de classe sociale afin d'établir une plus juste égalité entre les citoyens. Le résultat s'est révélé pour moi une illusion catastrophique. J'espère ardemment que les autres mariages de ce genre ont plus de chance. Je suis délivrée de ces amers souvenirs par le groupe qui finit les exercices de Taichi. Je remercie chaleureusement l'homme qui m'enseigna les mouvements à accomplir. Ensuite, je salue d'un geste reconnaissant ses compagnons. Mais il s'approche de nous. Le vieillard, au corps un peu gros et aux cheveux blancs, lui dit quelque chose. « Il te remercie, me traduit-elle, d'être venu te joindre à eux. Il ajoute que tu seras le bienvenu chaque fois que tu le désireras. Dis-lui que je me joindrai volontiers à eux tous les jours si j'habitais ici. Remercie-le beaucoup de ma part, ainsi que tous les autres, de m'avoir si gentiment accueilli parmi eux. » Le vieillard conclut en me regardant. « J'espère que nous vous avons offert un beau moment pour vous rappeler agréablement votre séjour en Chine. » Quand Mei me traduit, je réponds spontanément « Certainement, certainement. » J'enlace amicalement le noble vieillard. D'abord surpris, il comprend et sourit, enchanté. À son tour, il met ses bras autour de mes épaules et me serre gentiment contre lui. Ah, le père que j'aurais eu! Je ne me souviens pas d'avoir été ainsi étreint par mon père biologique. Un instant après, nous marchons lentement vers la sortie du parc. J'avoue à Mei, je suis tellement heureux d'avoir fait du tai chi pour la première fois et malheureux de n'avoir pas connu auparavant ces moments de joie. Quel dommage que chez nous, on ignore ce genre d'exercice, pourtant si utile et plaisant. Oh oui, confirme Mei. Pour nous, cette activité est aussi importante que respirer. D'ailleurs, elle est totalement basée sur le qi. C'est quoi le qi? Le souffle de la vie. Le tai chi fonctionne à partir du souffle vital et le renforce. C'est par la lenteur que s'appréhende la vie. Chez nous, dis-je avec ironie, on croit que c'est par la vitesse. Alors on tourne en rond quand on ne se dirige pas inconsciemment vers l'abîme. Cet argument me porte à lui demander. Tu sais comment les êtres humains sont parvenus à voler? En avion, tu veux dire? Oui, je l'ignore. Voici l'histoire. Longtemps, on a cru que pour voler, il faut être plus léger. Mais on n'y a jamais réussi. Puis quelqu'un eut l'idée totalement inverse. Pour voler, il faut être plus lourd. Évidemment, cela parut une extravagance. Comment s'élever dans le ciel en étant lourd, étant donné l'existence de la gravité terrestre? Pourtant, c'est la procédure qui fut employée, en recourant aux lois de l'aérodynamique. Ah! Eh bien, le tai chi, c'est la même chose. Ce n'est pas en courant que l'on vit mieux, mais en effectuant des mouvements lents et mesurés. À cette histoire de l'aviation, une voix crie en moi, « Réveille-toi, la vie n'est pas ce que tu crois. » « Tu te rappelles, » dis-je à Mei, « quand je me suis agenouillé devant la statue du Bouddha ?»« Oui, bien sûr. Maintenant, je crois avoir compris pourquoi je l'ai fait. Puis-je le savoir ?» Je cherche les mots les plus simples, par crainte du ridicule. Je me lance. J'avais besoin d'une leçon de modestie, non pas celle du faible, mais du fort. Ce dernier sait que la présomption et l'arrogance sont nuisibles. J'ai donc rendu hommage à celui qui manifestait cette attitude de manière exemplaire, Bouddha. Le soir, après notre passage au temple, je me suis un peu informé sur cet homme. Il n'ambitionna jamais de se proclamer prophète. Il se contenta d'enseigner comment il a pris conscience lui-même des douleurs d'autrui et des siennes, et proposa des manières pour les soulager en excluant absolument toute forme d'autorité ni de son corollaire, la violence. Là est le mérite de cet homme. Chez nous, un écrivain a formulé cette règle, fort et inflexible devant le puissant et l'arrogant, déférant et accommodant devant le faible et l'humble. Comment s'appelait-il? Luxon. Dans ma vie d'adulte, j'ai malheureusement pratiqué la règle inverse. Maintenant, je me corrige, bien tard. Je lève la tête vers le haut. Laissant revivre le petit enfant en moi, je pirouette calmement en contemplant le ciel. Il est d'un bleu profond, très apaisant. Ça et là, quelques petits nuages blancs. Il y a si longtemps que je n'ai pas regardé le ciel. De mon cou tendu, j'enlève la cravate, la ramasse en un tas comme un chiffon et la brandis vers Mei. Voilà le symbole de toute la misérable et futile gloire humaine. Je regarde autour de moi, vois une poubelle, m'en approche et jette ce ridicule accessoire. Je ne porterai jamais plus de corde à mon cou. Étrange planète. Lui finit par comprendre l'aspect asservissant de ce morceau de tissu. Chez nous, au contraire, on l'adopte comme signe de valeur sociale. Nous reprenons notre marche. Nous arrivons sur une allée recouverte de dalles blanches. Photo des membres d'une famille occupée à calligraphier sur le sol. Là, un homme et une femme, quinquagénaires, ont le dos incliné vers le bas. Munis chacun d'un long pinceau, ils le trempent dans un seau d'eau, puis, avec lenteur et soin, ils tracent par terre des caractères chinois. Derrière eux, une petite fille d'environ 10 ans est debout. Elle tient dans la main gauche un cahier. Sur une page ouverte, y sont écrits des mots chinois. Elle les examine avec attention, puis, de la main droite, elle imbibe son pinceau avec l'eau du seau et commence à tracer par terre, avec minutie et délicatesse, l'un des mots. Sans prêter attention à nous, les membres de la famille continuent paisiblement leur singulière activité. Qu'est-ce que c'est ? Veut savoir Bruno. C'est leur manière de passer le temps, un loisir. Écrire par terre avec de l'eau ? C'est de la calligraphie. Chez nous, écrire est un art, comme la peinture. D'ailleurs, regarde, nos mots sont des dessins. Mais ils écrivent avec de l'eau par terre. Et alors, l'important pour eux est de réaliser quelque chose de beau pour le plaisir. Mais un peu plus tard, le soleil séchera tout. Cela n'enlève rien à la joie d'avoir créé ces dessins. Avec une vive attention, j'observe tour à tour les calmes mouvements des calligraphes, puis les jolis idéogrammes dessinés. Incroyable, inimaginable. L'éphémère comme moment de vie. Quelle chance d'avoir May pour m'expliquer les choses, avec sa sensibilité très forte, tempérée par un esprit raisonnable. Cependant, elle veille à rester modeste, sans le moindre étalage de ses connaissances. J'apprécie également sa manière de s'habiller, en même temps simple et raffinée. Et Hua, comment est-elle ? Plus encore qu'avec mes compatriotes hommes, vis-à-vis de Bruno, je me rends compte de ma timidité. Est-ce parce qu'il est occidental, ou parce que je l'estime beaucoup ? Non, certainement pas la première hypothèse. Il y a longtemps que je me suis libérée du complexe d'infériorité causé par les invasions et les humiliations endurées de la part des diables blancs. En outre, Bruno ne fait pas partie de cette méprisable catégorie. Quelle chance a eu Hua de l'avoir connu ! On a beau vouloir, le destin commande. On est sans pouvoir. Ah, la contrebande ! Le chant complète la musique, l'âme rencontre son physique. Un message arrive sur mon téléphone. Belle surprise. Salut papa. Salut fiston. Tu peux parler ? Avec plaisir. J'actionne la communication audio-vidéo. Mon Nouistiti, c'est le surnom affectueux que j'ai donné à mon fils dès sa naissance et qu'il affectionne beaucoup, m'annonce avoir rencontré une jeune fille d'origine indonésienne. Elle lui plaît beaucoup. Indonésienne ? Oui. Où donc l'as-tu rencontrée ? Durant un voyage dans son pays. Ah, et alors ? Nous sommes follement amoureux. Au point que nous avons décidé de vivre ensemble. J'en suis très heureux. Bravo, Ouistiti. Comment est-elle ? Intelligente et jolie. Nous sommes très bien ensemble. On ne se contente pas de faire l'amour, on parle beaucoup. Nos idées sont très proches, surtout. Et son cœur, je veux dire, comment exprime-t-elle ses sentiments ? Est-elle ouverte et chaleureuse ? Son sourire vient-il du cœur ? Sa voix est-elle douce ? Ses regards tendres ? Eh là, t'en poses des questions ! Il rigole. Et il me semble qu'elle et moi, nous avons le même caractère, les mêmes désirs, les mêmes goûts. À propos, comment sont les femmes en Chine ? La question me divertit. Celles qui me plaisent sont vêtues de manière très simple, ont leur vrai visage, naturel, sans aucun maquillage, et la chevelure sans trucage de coiffeur. Leur manière de marcher me plaît aussi. Bien droite, elles portent des chaussures plates, avec une dignité que les plus fameuses reines n'ont jamais eue, même dans les films hollywoodiens, pour ne pas parler des ridicules top modèles aux hanches désaxées. Alors, est-ce que l'une de ces chinoises a conquis ton cœur ? Je réponds par un hochement de tête mélancolique. Hé là, papa, j'ai posé une question qu'il ne fallait pas. Pourquoi dis-tu ça ? Tes yeux, j'y vois un peu de tristesse. Perspicace, le fiston. Vraiment ? Je te connais, papa. Allez, dis-moi. Je prends mon air serein. C'est seulement la fatigue du voyage. Par ailleurs, très intéressant. Sûr, papa ? Oui, tout va bien. Tu devrais un jour visiter ce pays et connaître son peuple. Cela te fera un bien que tu es loin de soupçonner, à condition de laisser à l'aéroport nos préjugés d'occidentaux. Par exemple, tu découvriras une certaine joie de vivre, qui manque totalement chez nous, une manière d'affronter la pauvreté matérielle avec une dignité qui n'existe plus chez nous. Bien entendu, je parle du peuple ordinaire, simple, modeste, pas des requins et des vautours de la soi-disant nouvelle économie. C'est un nouveau langage que j'entends, papa. Note-t-il avec plaisir. Tu es fatigué de faire le banquier ? Bien vu, Ouistiti. Il a toujours eu un plaisant esprit philosophe, examinateur et méditatif. Je suis content de le savoir heureux. Alors, Ouistiti, bonne chance dans ton amour. Merci, papa. À toi aussi, je te souhaite bonne chance pour trouver la femme de ton désir. Cette discussion réveille en moi une forte envie. Toujours en audio-vidéo, j'entre en contact avec mon amie Alice et je fonce en taureau furieux. « Maintenant, je peux te révéler le vrai motif de mon voyage en Chine. »« Oh oh !» me taquine-t-elle. « J'ai besoin de ton avis, ma chère amie. »« Bien, tu as de la chance, je suis disponible, j'écoute. »« Merci. » Le taureau respire très profondément, puis se lance dans l'arène, affrontant le torero. C'est une histoire qui a commencé en l'an de grâce 1975. Entrant dans la salle du théâtre où je travaillais, j'ai entendu une chanson étrange. Vite, j'ai compris, elle est chinoise. Je savais qu'une troupe venue de Chine était en tournée dans notre théâtre. La mélodie m'a tellement ému que je me suis approché du plateau. Une jeune fille chantait seule. Elle avait une vingtaine d'années, comme moi, peut-être un peu moins. Son corps, mon type idéal, taille mince et harmonieuse. Elle était vêtue d'une magnifique robe chinoise traditionnelle, de couleur rouge avec des fleurs jaunes. Son visage, plutôt rond, sa peau un peu brune et ses yeux brillants, exprimaient une volupté infinie. Instinctivement, j'ai pris mon violon que je portais avec moi et en improvisant, j'ai accompagné sa chanson. Léger sourire d'Alice, je poursuis. Cette fille montrait une élégance si naturelle. Son visage exprimait une telle sérénité. Son regard montrait une bouleversante tendresse. Je croyais rêver. Comble du bonheur, elle aussi fut touchée par moi. Ses yeux, brillants d'émotion à peine contenues, et ses joues, devenues écarlates, me déclaraient son exaltation. À la fin de la chanson, je me suis approché d'elle, tout près. Nos regards se sont rencontrés, rivés l'un sur l'autre. L'éclat de nos regards confirma clairement nos merveilleux sentiments réciproques. Surmontant mon enivrement, je réussis à lui adresser la parole en anglais, mais elle ne comprit pas. Elle murmura quelques mots en chinois, mais j'ignorais cette langue. Nous sommes restés figés, laissant parler nos yeux à défaut de notre langue. L'improviste apparition d'un chinois de la troupe, sorti des coulisses du plateau, rompit le charme. Il regarda sa collègue d'un air sévère, autoritaire. À sa vue, elle le rejoignit et disparut avec lui derrière les rideaux. Trop perturbé par le souvenir, je m'interromps. Alice, attentive, attend la suite du récit. Je continue. Malheureusement, les jours suivants, il nous a été impossible d'approfondir notre connaissance. Les dirigeants de la troupe empêchaient tout contact, autre que celui officiellement programmé, entre leurs artistes et les étrangers, même ceux travaillant au théâtre. Je trouvais bizarre et inattendue cette conception. Elle contredisait leur proclamation sur l'amitié entre les peuples. Toutefois, un soir, à l'hôtel, la fille, discrètement, réussit à me donner une photo d'elle. Et quelle photo! Ma tête fut prise de vertige. Hua, c'est son nom, était sur une plage de sable au bord de la mer et elle dansait. Son corps élancé exprimait une telle joie de vivre. Mon amour se renforça pour cette splendide fille. Pour la première fois, je découvrais l'amour vrai, tel que je l'imaginais et espérais. L'excessive agitation m'oblige à une pause. Osait le briser, aucun ciel, pas même durant le sommeil. Je reprends. Hélas, malchanceux, je ne suis pas conquérir mon aimée. Une idée me vint, trouver le moyen de m'approcher d'elle et la convaincre par mes gestes, par mes regards, de venir avec moi, de quitter la troupe. Mais je fus lâche. Plus grave, sachant qu'elle était surveillée à tout instant, j'évitais de la voir, de la rencontrer, par peur de commettre ce que je considérais une folie, l'entraîner avec moi de manière illégale. J'évitais d'aller au restaurant où elle prenait ses repas avec ses compagnons. Je me suis abstenu de circuler dans le couloir où se trouvait sa chambre. Je me suis défendu d'entrer dans la salle au moment des répétitions. Et pendant tout ce temps, je souffrais atrocement de ne pas la voir. L'amertume du regret me bloque la voix. Je parviens à continuer. La seule idée d'être en sa présence me bouleversait, m'enthousiasmait et m'effrayait. Tu comprends ? Oui, se contente de murmurer Alice. Plus d'une fois, je parvenais à vaincre mes appréhensions. Alors je me précipitais dans le couloir de la chambre pour la rencontrer. À mi-chemin, je me bloquais et retournais en arrière. Une fois, je suis allé au restaurant, sachant que les artistes chinois y déjeunaient. Mais à la porte même, je me suis arrêté puis éloigné. J'ai tenté alors de raisonner. Ah, raisonner. Je ricane. En réalité, c'était uniquement pour justifier mon incapacité de vivre cet amour, uniquement pour trouver le moyen d'y renoncer, de me résigner. « Tu n'as que 20 ans, me déclara ma lâcheté, et cette fille est seulement un premier amour. Tu connaîtras sûrement d'autres jeunes filles qui ne présenteront pas un problème insurmontable. Allez, sois sage. La vie n'est pas un roman, pas un film, pas une chanson. » L'existence que j'avais alors était trop douillette, trop bien encadrée. Elle excluait toute entreprise trop aventureuse, trop problématique, sans succès garanti. Toutefois, je ne parvenais pas à oublier cette fille. Elle m'obsédait. Quelque chose d'elle m'enchantait, m'excitait. Je ne dormais plus. Je n'avais plus d'appétit. Même le violon, je n'en jouais plus. Tout mon cerveau était hanté par elle. Un soupir long et douloureux m'arrête. Alice demeure attentive, sans intervenir. Je poursuis. Et vint le redouté matin du départ de la troupe. Quand l'autobus démarra, mon cœur se déchira. Et j'ai vu, je l'ai vu, le visage de Roy, inondé de larmes, tandis que ses yeux rougis me fixaient. Je courus vers l'autobus. À travers la fenêtre, je parvins à lui donner mon violon. Puis, anéanti, mes genoux tombèrent par terre, mon corps secoué de sanglots. Ma voix se noue. Alice me regarde, sans réagir. Il me faut poursuivre. Après le départ de Roy, mon abattement fut extrême. Je tombais malade. Ce fut la première très cruelle douleur de ma vie. Rien ne m'intéressa plus. Par chance, deux amis m'ont convaincu de faire un voyage avec eux. Ils m'emmenèrent au Sahara. C'est là, dans ce désert, que j'ai découvert ce qu'est le néant, mais que l'on peut survivre dans le néant. Le désir et la chance animent l'espérance. Je m'interromps pour récupérer un peu de force. Je continue. Le soir où j'ai vu dans mon immeuble une jeune chinoise qui voulait se suicider, son visage ravagé par les larmes, fit revivre brusquement dans ma mémoire celui de Hua, bouleversé par les mêmes larmes. Ce fut cette nuit-là que j'ai pris la décision d'aller retrouver Hua. Je me tais et regarde Alice, attendant son diagnostic. « Avant de décider d'aller en Chine, dit-elle, quelle garantie avais-tu que cette femme était encore vivante ?»« J'ai compté sur un peu de chance et sur la loi biologique. J'avais connu Hua quand elle avait 18 ou 20 ans. Une quarantaine d'années après, il est statistiquement probable qu'elle soit encore vivante. » Je relate à Alice les événements principaux de mon voyage en Chine jusqu'à la visite aux deux cimetières. Je conclus. « Qu'en dis-tu ?» Elle réfléchit intensément. Elle semble hésiter à se prononcer. Je l'encourage, la voix altérée. « Allez, tu es une psychologue et ma seule amie. Parle franchement. Je suis prêt à encaisser n'importe quel coup. » Un peu embarrassée, elle me fixe de ses yeux affectueux. Elle dit du ton le plus délicat pour ne pas me heurter. « Avec toutes les belles femmes que tu peux trouver là où tu vis, pourquoi aller en chercher une si loin, en plus ayant des coutumes tellement différentes des tiennes, enfin après 40 années passées ?» Elle est l'oxygène qui me manque. Mais désormais tant d'années sont passées, 40, les personnes changent, oublient, font leur vie, si elles sont encore vivantes et en bonne santé. À tout cela j'ai pensé. J'ai conclu qu'il faut néanmoins tenter, parce que j'ai fini par comprendre ce que j'ignorais de moi-même. J'ai cru avoir abandonné la musique uniquement suite à la mort de mon père, pour répondre à nos besoins économiques, ma mère et moi. En réalité, c'est autre chose qui a brisé en moi ce qu'il y avait de plus beau, le renoncement à l'amour rencontré. Là est la bifurcation qui a transformé ma vie. Cette dernière bascula de l'art splendide à l'argent sordide. C'est une hypothèse à considérer. Cette histoire d'amour t'a blessé profondément dans ton estime de toi-même, notamment dans ta capacité de réaliser ton désir le plus vital. Dès lors a disparu ton courage d'affronter le hasardeux métier de violoniste. Tu risquais de mourir de faim et d'humiliation en cas d'insuccès. Mieux valait une profession garantissant le gagne-pain et sans dépendre du jugement d'un public incertain. L'exemple de ton père l'emporta, lui à la Banque mondiale, toi pour commencer dans une banque de ta ville. Me voyant abattu, la chère amie recourt à la philosophie. « L'humanité, dit-elle, charrie tellement d'énergie pulvérisée, d'espoir brisé, d'existences écrasées. Les victimes survivent qu'à un cas jusqu'au trépas, les unes conscientes de leurs honteux échecs, d'autres s'illusionnant avec fierté que le revers fut la bonne occasion pour s'affranchir de leur calvaire. Tu appartenais à la seconde catégorie. À présent, tu as changé. Tu es passé dans la première catégorie. La honte peut tuer, ou au contraire, permettre de revivre. Chez toi, à présent, elle sert à revivre, en récupérant non pas le temps perdu, mais ce qui en reste. C'est déjà bien de ne pas mourir frustré. » Une ombre dans l'obscurité, et voici l'esprit agité. Au dîner, dans le restaurant de l'hôtel, Bruno regarde tristement, sans y toucher, les plats remplis d'aliments. « Pourquoi ne manges-tu pas ? Je n'ai pas d'appétit. » J'hésite à le questionner davantage. Ce n'est pas délicat. Pourtant, j'aimerais tellement connaître le motif de son abstinence. Je baisse les yeux, sans envie de manger toute seule. Voici qu'il parle. Quand Hua et moi nous nous sommes rencontrés la première fois, si nous nous aimions vraiment, n'aurions-nous pas fini par trouver le moyen de mieux nous connaître et de rester ensemble? Ne pouvant pas, moi, aller avec elle en Chine, j'aurais dû trouver le moyen de la convaincre d'abandonner la compagnie et de rester avec moi, et nous nous serions mariés. Pardonne-moi, Bruno, mais je te répète que Hua n'aurait pas accepté. Si elle avait abandonné la compagnie, les autorités auraient puni ses parents de manière cruelle. Hua ne pouvait pas l'admettre, non pas parce qu'elle ne t'aimait pas assez, mais elle aurait considéré comme un acte condamnable le fait de privilégier son amour pour un homme au détriment de son devoir d'affection envers ses parents. Hua n'était probablement pas le genre de personne à accepter un sentiment entaché d'égoïsme. Ce n'est pas toi uniquement qu'elle a sacrifié, mais avec toi, elle-même. Que dire après une telle explication, sinon admirer davantage Hua? À la suite des conversations avec Alice puis Mei, j'ai passé une longue partie de la nuit debout sur le balcon de ma chambre d'hôtel, tourmenté par les incertitudes de la situation présente, par le temps gaspillé depuis la séparation d'avec Hua, par un futur inconnu, deux quarts de ma vie déjà consumée. Reste seulement quelques rounds à jouer. Comment ne pas mourir perdant? Devant moi, la ville est quasi déserte, troublée seulement par le lointain ronronnement de quelques véhicules en circulation. Je contemple les multiples enseignes multicolores, écrites en chinois. Elles reflètent mon avenir indéchiffrable. Je remarque sur un trottoir la silhouette d'une femme. Elle marche d'un pas svelte jusqu'à l'angle d'une rue où elle disparaît dans l'obscurité. La femme, puis l'obscurité. Pleurer. Enfin je le puis. Bienvenue, sanglots. Mes larmes surgissent, accompagnées de hoquets et de gémissements.